Est-ce que cette règle s'applique automatiquement sur toutes les formes de mécréants? Et est-ce que cela s'enchaîne à l'infini? La réponse est que cette règle n'est vraie que pour celui qui contredit directement la signification du témoignage « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Or, tout mécréant a forcément adoré un autre qu'Allah, mais c'est soit directement, soit indirectement. S'il invoque une idole ou un mort, ou recourt au jugement du Tarout pour trancher de ses litiges, ou offre un sacrifice à un autre qu'Allah, etc., il sort de l'islam pour avoir contredit directement la signification du témoignage « La ilaha illallah ». S'il n'adore nul autre qu'Allah, mais qu'il prétend clairement qu'un autre enseignement que celui de Mohammed satisfait Allah et mène au paradis, alors il a directement contredit le témoignage de Mohammed Rasulullah. Et comme ces deux témoignages sont la clé de l'islam sans laquelle il est impossible d'être musulman, et ceci à l'accord de toutes les tendances musulmanes, celui qui considère musulman quiconque contredit directement l'un de ces deux témoignages, il n'a pas considéré ces deux témoignages comme la clé de l'islam, puisqu'il juge musulman, même celui qui n'adore pas Allah uniquement, ou qui ne prend pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour guide dans la religion. Une telle personne ignore ce qu'est l'islam. S'il savait ce que signifie « La ilaha illallah, Mohammed rasulullah », il ne prétendrait pas que celui qui contredit ce témoignage est tout de même musulman. C'est pour ça que les compagnons jugèrent mécréant quiconque doute de l'apostasie de ceux qui ont suivi Moussa Ilama le menteur, lorsqu'il prétendit être prophète. Et c'est pour ça que les musulmans, toutes tendances confondues, bannissent de l'islam celui qui doute de la mécréance de quiconque donne un égal à Allah dans sa seigneurie ou son adoration, même s'il est ignorant. C'est le fait de bannir de l'islam celui qui contredit directement les deux témoignages, est une condition de validité de l'islam. C'est grâce à ça que l'on peut savoir si le musulman a bien compris ce qu'est l'islam et que c'est le monothéisme enseigné par Mohammed qui fait la différence entre un musulman et un mécréant, comme nous l'avons vu précédemment. Par contre, est-il exact de dire « tout mécréant a forcément contredit directement l'un des deux témoignages » La réponse est non. Certains mécréants sont sortis de l'islam, non pas pour avoir donné un égal à Allah dans sa seigneurie ou son adoration, ni pour avoir prétendu qu'un autre enseignement que celui de Mohammed satisfait Allah, mais bien pour avoir contredit un enseignement du prophète par mauvaise compréhension ou par refus ou par démenti. Comme par exemple ceux qui refusent de payer la zakat à l'époque d'Abu Bakr. Au départ, Omar ibn al-Khattab douta de leur mécréance et n'interpréta pas leur acte comme une rébellion contre Allah et son messager, bien qu'il constatait leur agissement. Ensuite, Abu Bakr lui expliqua et Omar accepta la vérité et comprit la mécréance de ceux qui refusaient de payer la zakat. Également ceux qui prétendirent que les mots du Coran sont créés et que la parole d'Allah est un esprit abstrait, incréé. Les salafs furent unanimes que celui qui prétend une telle chose après que les explications lui aient été données est un mécréant et qu'il est sorti de l'islam. Mais ils ne jugèrent pas automatiquement mécréant celui qui doute de sa mécréance avant de lui avoir expliqué. L'imam Abu Da'a ainsi que l'imam Abu Hatim Ar-Razi disaient « Celui qui prétend que le Coran est une créature, c'est un mécréant envers Allah le Très-Haut, coupable d'une impiété majeure, l'expulsant de la religion. Quant à celui qui doute de sa mécréance, s'il comprend la chose, c'est un mécréant. » Et une autre version d'Abu Hatim dit « Et le Coran est la parole d'Allah et sa science. Or, ses noms, ses attributs, son commandement et son interdiction, rien de tout cela n'est créé, de quelque manière que ce soit. Et celui qui prétend que quoi que ce soit de cela est créé, c'est un mécréant coupable de mécréance expulsant de l'islam. Quant à celui qui doute de sa mécréance et qui comprend et n'ignore pas, c'est un mécréant. Par contre, celui qui ignore, on doit lui enseigner. Soit il obéit à la vérité en le jugeant mécréant, soit il devient lui-même mécréant. On voit bien ici que les salafs n'ont pas dit « celui qui pense qu'un musulman peut être excusé, même s'il pense que les mots du Coran sont créés. » Il est lui-même mécréant, car il ignore ce qu'est l'islam. Pourtant, celui qui affirme que les mots du Coran sont créés, après avoir reçu les preuves du contraire, il sort de l'islam à l'unanimité des sunnites, sans aucune divergence. Ceci car douter de la mécréance de ce genre de mécréant ne signifie pas qu'on ignore qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. En effet, le témoignage « La ilaha illallah » ne veut pas directement dire « Il n'y a de vrai Dieu que celui dont la parole et les mots de sa parole sont incréés. De même, ce témoignage ne signifie pas directement « Il n'y a de vrai Dieu autre que celui qui possède deux mains, un visage et qui descend au ciel le plus bas, le dernier tiers de la nuit, etc. Bien que celui qui renie ces choses-là après que l'épreuve lui soit présente, il devient mécréant à l'unanimité. L'égarement de ceux qui font le tekfir en série à l'infini. C'est ainsi que nous comprenons l'erreur de ceux qui appliquent la règle. Celui qui ne bannit pas le mécréant de l'islam est un mécréant en série, en prétendant que celui qui doute de la mécréance, de celui qui doute de la mécréance, de celui qui doute de la mécréance, de celui qui donne un associé à Allah, et ainsi à l'infini. Il est mécréant pour la même raison que le premier de la série. C'est qu'il ne connaît pas ce que veut dire « La ilaha illallah »« Subhanallah ». Que cela nous explique en quoi est-ce que le témoignage « La ilaha illallah » signifie que celui qui doute de la mécréance, de celui qui doute de la mécréance, de celui qui doute de celui qui donne un associé à Allah, mais ne doute pas de la mécréance de celui qui donne un associé à Allah, n'a pas compris ce qu'est l'islam. Est-ce que le fermier musulman qui vit au fin fond de la campagne est censé comprendre que « La ilaha illallah » signifie que celui qui doute de la mécréance, celui qui doute de la mécréance, de celui qui doute de la mécréance, de celui qui doute de la mécréance, de celui qui donne un associé à Allah est un mouchrik? Leur tendance n'est autre que la résurrection d'une vieille hérésie, celle des Mu'tazila. L'imam Abul Hussein al-Malati dit, et ceci car les Mu'tazila de Bagdad et de Basra et toutes les tendances des Ahl al-Qibla sont tous d'accord pour dire que celui qui doute de la mécréance d'un mécréant est un mécréant. Car celui qui doute de la mécréance n'a pas de foi, vu qu'il ne sait pas faire la différence entre la foi et la mécréance. Il n'y a donc pas de divergence dans toute la communauté, que ce soit les Mu'tazila et les autres, pour dire que celui qui doute de la mécréance du mécréant est un mécréant. Mais les Mu'tazila de Bagdad ont ajouté une chose en plus de ce que disent ceux de Basra, qui est que celui qui doute de celui qui doute de celui qui doute, jusqu'à l'infini, sont tous des mécréants. Et la raison de cette mécréance est la même que pour le premier. Lorsqu'on montre ce genre de citation à ces gens, ils essaient de s'échapper en disant « Les Mu'tazila dont parle el-Malati, ce sont ceux qui disent que celui qui doute de celui qui doute, sans être au courant de son doute, est un mécréant. Alors que nous parlons de celui qui a connaissance du doute de celui qui doute. » Mais cette justification n'a aucun sens. D'ailleurs, si Malati voulait parler de gens qui jugent mécréant celui qui n'est pas au courant de ce que fait la personne précédente, alors même celui qui doute de la mécréance du premier mécréant ne serait pas mécréant pour ça. Parmi leurs arguments aussi, c'est qu'il n'y a que deux sortes d'hommes, le musulman et le polythéiste. Or si celui qui doute de la mécréance du polythéiste n'est pas musulman, c'est qu'il est forcément polythéiste. Et s'il est polythéiste alors, celui qui pense qu'il est monothéiste ignore la différence entre le monothéisme et le polythéisme et donc ignore ce que signifie « la ilaha illallah ». La réponse est que, certes, tout mécréant est forcément polythéiste, mais tout mécréant ne manifeste pas forcément son polythéisme clairement, ainsi que nous allons le voir. Les salafs ne jugeaient pas mécréant celui qui doute de la mécréance de celui qui prétend que les mots du Coran sont créés après que la preuve lui soit établie. Pourtant, ce dernier est mécréant à l'unanimité, et donc, a fortiori, un polythéiste. De même, celui qui choisit de se faire condamner à mort plutôt que prier. Il est mécréant selon les principes de Ahl al-Sunnah, et donc, a fortiori, un polythéiste. Pourtant, les salafs n'ont pas immédiatement fait le tekfir de celui qui doute de la mécréance d'un de ces deux exemples. Ceci car le polythéisme de ces gens n'est pas indiqué directement par leurs actes, mais bien indirectement. Car lorsque les preuves sont apportées à celui qui contredit un enseignement du prophète et qu'il s'entête, c'est par adoration de ses désirs et de Satan. Mais cette adoration n'apparaît qu'après que la preuve soit apportée à l'opposant. De plus, il arrive que certains savants n'interprètent pas la réaction de l'opposant comme une rébellion contre Allah, comme nous allons le voir dans la réponse à leur autre argument. L'un de leurs arguments aussi, c'est que celui qui doute de la mécréance de celui qui donne un associé à Allah est un mécréant à l'unanimité, et cela veut dire que cette personne n'est pas sur la religion de l'islam à l'unanimité. Donc celui qui pense qu'il est musulman, il ne sait pas ce qu'est l'islam non plus, et ainsi de suite. Nous leur répondons donc que les salafs n'ont pas interprété l'islam de la même manière que vous. Au contraire, nous avons déjà vu que les salafs ne jugez pas mécréant celui qui doute de la mécréance de celui qui dit que les mots du Coran sont créés après que la preuve lui soit établie. Et vu que celui qui dit que les mots du Coran sont créés après que la preuve lui soit établie est sorti de l'islam, et n'est pas sur la religion de l'islam à l'unanimité, c'est que d'après vous, celui qui doute de sa mécréance ignore ce qu'est l'islam, et n'est donc lui-même plus sur l'islam, mais bien sur une autre religion que l'islam. Ainsi, vous devez juger les salafs mécréants, vu qu'ils ont jugé musulman celui qui, par ignorance et mauvaise compréhension, doute de la mécréance de celui qui dit que les mots du Coran sont créés après que la preuve lui soit établie. De même, celui qui refuse de prier jusqu'à ce qu'on lui pose un sabre sur la nuque et qu'il refuse jusqu'à ce qu'on le tue. Ahl sunnah sont tous unanimes qu'une telle personne est un mécréant pour sa rébellion contre Allah. Ibn Taymiyyah a dit, ce sujet, il convient d'y réfléchir. Celui qui connaît ce lien, qu'il existe, entre le corps et le cœur, alors toutes les ambiguïtés à ce sujet cesseront. Il saura alors que les juristes qui furent d'avis, que celui qui admet l'obligation de la prière et refuse de la pratiquer, ne doit pas être condamné à mort, ou alors qu'il doit l'être, mais en tant que musulman, et non en tant qu'apostat. Ces juristes-là sont imprégnés des mêmes ambiguïtés que les Murji'a et les Jahmiya, et des mêmes ambiguïtés que ceux qui disent que la volonté ferme accompagnée de la capacité totale ne cause aucun acte. Ibn Taymiyyah nous explique ici que ceux qui sont d'avis que lorsqu'un homme refuse de prier jusqu'à ce qu'on le tue, pour ça doit être tué en tant que musulman pervers. Leur avis est contraire au principe de Ahl Sunnah, mais bien conforme à celui des hérétiques Jahmiya. Donc il est établi que les principes d'Ahl Sunnah affirment que celui qui refuse de prier jusqu'à ce qu'on le tue n'est pas musulman, c'est qu'il est sur une autre religion que l'islam. Ainsi, d'après ceux qui appliquent le takfir en série, celui qui doute de la mécréance de celui qui doute de la mécréance de celui qui refuse de prier jusqu'à la peine de mort, il est mécréant car il ignore ce qu'est l'islam. Que vont-ils donc dire de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i, ainsi que bien d'autres salafs? Ibn Qudama mentionna, la deuxième version est qu'il est exécuté en tant que punition tout en le considérant musulman, comme pour le fornicateur marié. Et ceci est l'avis d'Abu Abdullah ibn Battah, et il rejeta l'avis de celui qui trouve qu'il devient mécréant. Il nota que sa doctrine est de cet avis et qu'il ne connaît aucune divergence dans cette doctrine à ce sujet. Et ceci est l'avis de la plupart des juristes et l'avis d'Abu Hanifa Malik Shafi'i. S'ils sont sincères, qu'ils traitent donc ces grands imams de mécréants? En auront-ils l'audace? Ou alors peut-être se rendront-ils compte qu'ils n'ont pas bien compris cette règle et qu'ils n'ont pas compris la différence entre le mécréant qui contredit directement et clairement le témoignage de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et le mécréant qui ne contredit ce témoignage qu'indirectement.